Si vous voulez suivre le trajet imaginé par Jules Verne, reportez-vous sur la toile à Itinéraire de Phileas Fogg, carnet de bord de la Choisille.